Les manges de Mac est une présentation de Mac Québec et de Mac Urbain. Vous écoutez l'épisode pilote du podcast Les manges de Mac avec Alexis Cornelier et Bernard Ouellet. Bonjour, bienvenue au Manger de Mac. Mon nom est Bernard Ouellet. Vous pouvez me joindre sur Twitter en utilisant l'acronyme CBernard. Bonjour, mon nom est Alexis Cornelier. Vous pouvez me retrouver sur Twitter aussi au Alex Cornelier. Vous pouvez me retrouver alexiscornelier.com sur mon site web et sur ma page Facebook. Donc, on est les Manger de Mac. On est les Manger de Mac. Premier épisode de ce podcast. Et on va parler de quoi aujourd'hui? On va parler du nouvel OS 4.2.1 qui est sorti cette semaine. On va parler aussi de l'opération Beatles, en fait, les Beatles qui sont apparus sur le iTunes Store cette semaine. Et on va parler de iLife. iLife 11. iLife 11, la toute dernière version. Est-ce que ça vaut le coup, iLife 11? C'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Effectivement. On va ensuite... on a quelques petites nouvelles, puis on parlera peut-être de rumeurs sur le iPad 2. Alors, tout ça à l'émission qui débute à l'instant. Alors, Alexis, il y a le système OS 4.2.1 qui est sorti cette semaine. Un OS qui était fort attendu, surtout des utilisateurs de iPad. Oui, en fait, l'OS 4.2.1 cherchait à réunifier les fonctionnalités qu'on avait vues apparaître sur le iPad et l'iPod et l'iPhone 4. C'est, en gros, là, les fonctionnalités mises de l'avant sont les dossiers. Donc, on peut regrouper les applications par dossier et le multitâche saveur Apple, de façon Apple. C'est les gros trucs qui ont été mis de l'avant. Mais il y a un paquet d'autres fonctionnalités. Au-dessus de 100, 150, je pense qu'il disait sur le site web. On a essayé d'en retrouver quelques-unes pour vous. Donc, les principales, surtout pour les iPads, on parle multi-dossiers, multitâches, des choses qui étaient fort attendues, qui étaient déjà présentes sur les autres appareils et qui maintenant fait partie du iPad. Oui. On a aussi également, on parle de Find My Phone qui est gratuit. Ça, écoute, moi, c'est une fonctionnalité que je voulais avoir. Mm-hmm. Je m'apprêtais à acheter un compte MobileMe. Mm-hmm. Et comme par magie, lundi, ils me l'ont offert gratuitement. Alors, beau cadeau Noël, j'ai 110 $ d'économiser. En tout cas, pour moi, MobileMe, c'était juste pour Find My Phone qui m'intéressait. Et comme il l'offre maintenant gratuitement, j'étais fort heureux de cette belle nouvelle, belle surprise, parce qu'il ne l'avait pas vraiment annoncé. Pas vraiment. Find My Phone, c'est effectivement une fonctionnalité qui se retrouvait au sein de MobileMe, qui est un package de services, un paquet de services vendu par Apple, comme tu l'as dit, à 110 $. C'est très intéressant parce que le téléphone équipé d'un GPS, on peut aller sur sa page, MobileMe, au me.com, rentrer son identifiant et demander à retrouver le téléphone, mais pas seulement ça. On peut aussi faire biper le téléphone. On peut aussi bloquer le téléphone à distance. À ce moment-là, on va nous demander un code. Donc, si quelqu'un tombe sur votre téléphone, il ne pourra pas faire grand-chose. Et on peut faire apparaître un petit message, le faire sonner. Par exemple, on l'a oublié au restaurant, le concierge là-bas passe. Au même moment, on fait sonner notre téléphone, il le retrouve et il y a un message qui s'affiche. Donc, on peut lui demander de communiquer avec nous. Et si on pense que le téléphone peut être tombé entre de mauvaises mains, on peut à ce moment-là complètement effacer le téléphone à distance s'il y a des informations importantes dans le téléphone. Des informations sensibles aussi. Des informations effectivement sensibles. Mm-hmm. Donc, le fait que ce soit gratuit, c'est fort intéressant. Ça fonctionne, bon, effectivement, pour les gens qui avaient le MobileMe, mais ça fonctionne maintenant pour tout le monde. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne avec le Apple ID. Donc, le compte utilisateur que vous utilisez sur iTunes pour acheter vos applications, c'est ce qu'on va utiliser dans le téléphone. Mm-hmm. C'est pas évident à première vue. Il va falloir aller en fait dans la configuration des comptes email sous la rubrique MobileMe et là rentrer son identifiant Apple. même si c'est un compte Gmail ou Hotmail ou bon, l'adresse que vous avez utilisée pour vous inscrire, il va le prendre quand même et il va vous donner l'option à ce moment-là d'activer Find My Phone. Mm-hmm. Mais il y a un petit hic, par contre, avec cette application-là, c'est limité à 3 comptes seulement. Effectivement. Donc, si on n'est pas abonné à MobileMe, on va pouvoir entrer là-dedans 3 appareils avec lesquels on va pouvoir retrouver avec la fonctionnalité Find My Phone. Donc, mon téléphone à moi, ma fille, ma femme, à ce moment-là, je peux configurer leur téléphone, voir leurs allées et venues, surtout ma fille. OK. C'est 3 appareils, non pas 3 comptes. J'ai dit 3 comptes, mais c'est 3 appareils. C'est 3 appareils sur le même compte. Sur le même compte. Il faut aussi comprendre que l'appareil qu'on cherche à retracer, que ce soit le iPhone ou le iPad, ben, pour pouvoir avoir une communication, il faut qu'il soit connecté au réseau 3G. Mm-hmm. Si, par exemple, on a un iPad Wi-Fi, ben, à ce moment-là, c'est seulement lorsqu'il sera connecté à un réseau Wi-Fi qu'on va être en mesure de retrouver l'appareil ou de lui envoyer une information. Ce qui est intéressant, par contre, c'est que si les informations, on les envoie, ils sont en attente, ils sont queués, si tu veux, chez Apple. Et dès que l'appareil va rentrer dans une zone Wi-Fi, va se connecter, toutes les informations qu'on aurait envoyées, c'est-à-dire le bip-bip, le blocage et l'effaçage de l'appareil, il va toutes les recevoir et il va commencer ses tâches-là. Donc, si on lance, on a perdu à midi son iPad, on lance le nettoyage parce qu'on a vraiment de l'information importante. Quelqu'un l'a trouvé, rentre dans une zone sans fil vers 2 heures. À ce moment-là, le iPad va s'effacer. D'autres fonctionnalités qui sont présentes dans le OS 4.2.1 maintenant, le AirPlay et le AirPrint. Oui, effectivement. AirPlay, en fait, c'est une amélioration de la fonctionnalité qu'on appelait, c'était AirTunes avant. Donc, AirPlay, c'est une technologie qui va vraiment être intéressante. Pour l'instant, qui est peut-être un petit peu bloquée par des API privées de Apple, ce qui veut dire que cette fonctionnalité-là, c'est quoi d'abord? C'est de la diffusion sur une AirPort Express qui est munie d'une petite sortie audio. Donc, dans laquelle on peut la faire sortir dans des haut-parleurs et sur le Apple TV. Donc, de la diffusion à partir de votre appareil iOS, iPhone, iPad, sur ces appareils-là, soit de contenu audio ou de contenu vidéo. Donc, vous avez un film dans votre iPad, vous avez chez un ami, vous voulez faire diffuser ça sur sa télévision haute définition qui est équipée d'un Apple TV, bien, c'est assez simple à faire si le contenu que vous voulez diffuser est du contenu de Apple. Mais là, il y a peut-être un autre hic. AirPlay, ça fonctionne juste avec AirPort Express et un Apple TV. Tu ne peux pas le faire entre, par exemple, un MacBook et un iPhone, par exemple. Il y a un contenu dans mon Mac, je voudrais le diffuser sur mon iPhone, ça ne marche pas encore. Ça. Non, effectivement. Il y a des applications tierces parties qui vont permettre de le faire, par contre. Entre autres, il y avait Simplify Media qui a été acheté par, je ne me souviens plus qui, et effacé de la carte, mais il y en a d'autres qui permettent... Il y a toujours moyen de moyenner ces trucs-là. Effectivement. Pour ce qui est de... De AirPrint. Donc, les gens voulaient imprimer partir de leur iPad. On a des documents, on a des pages web. Voulaient imprimer. Apple a trouvé une solution. Par contre, qu'est-ce que tu as lu là-dessus cette semaine? Bien, qu'il y avait très peu de modèles qui étaient compatibles. Il y avait 11 modèles. Un vraiment utilisable. Donc, les gens, au départ, étaient très enthousiasmés de cette nouvelle-là, de cette nouvelle fonctionnalité-là. Mais que malheureusement, il y a très peu de modèles d'imprimantes qui sont compatibles avec la technologie. Sûrement que les compagnies d'imprimantes vont implanter cette fonctionnalité-là dans un futur approché, mais pour le moment, assez limité. Il y a quand même des façons de contourner un petit peu. Donc, l'imprimante qui est fonctionnelle actuellement, c'est une imprimante de HP. On n'ira pas s'acheter une nouvelle imprimante juste pour pouvoir imprimer à distance. C'est peut-être du monde qui le feront. Et comme souvent, Apple introduit une nouvelle technologie puis essaye de voir si les fabricants d'appareils vont embarquer. Donc, vos anciens appareils, ce serait étonnant qu'il y ait une mise à jour. Puis les vraiment vieux appareils, vous oubliez ça. Par contre, il y a des développeurs qui ont trouvé, en fait, la passe, si tu veux, qui ont vu la faille et qui ont décidé de développer des petites applications qu'on installe sur notre ordinateur. Notre ordinateur étant en mesure d'imprimer avec l'imprimante, soit parce qu'elle est connectée ou soit parce que lui a directement accès à l'imprimante en sans fil. Okay? Il y en a beaucoup à travers les produits Apple, le routeur Apple, on peut faire ça. Et à ce moment-là, en fait, ben, l'information est envoyée du téléphone vers l'ordinateur qui, lui, s'occupe d'imprimer. Mmh. Donc, c'est une autre façon de contourner la restriction que Apple a mis en place. C'est un petit peu plate de voir, d'ailleurs, qu'il y a beaucoup de restrictions qui sont mises en place sur ça. Apple qui garde les gens dans leur carré de sable. Ouais. Ou qui essaye des nouvelles fonctionnalités sur ce qu'on appelle les API privés pour ensuite peut-être les ouvrir un petit peu plus tard quand ils vont annoncer l'iPhone 5. Donc, on va garder un petit œil là-dessus. On a aussi des bugs corrigés sur les 3G. Il y avait beaucoup de lenteur, il y avait beaucoup de choses qui fonctionnaient moins bien au niveau des appareils qui étaient un petit peu plus âgés. Maintenant, paraît-il que les bugs sont assez bien corrigés dans l'ensemble, d'après ce que j'ai lu un petit peu dans mes recherches. Version 4.0, version 4.1, ouais. Sur un appareil qui a quand même 2 ans, comme le iPhone 3G, les gens étaient très mécontents. Mm-hmm. On pense entre autres à un podcasteur comme nous, Frank The Tank, qui a menacé, en fait, qui se retenait à deux mains de ne pas lancer son appareil dans le mur, qui en a parlé à la télévision dans des débats à Musique Plus. Et pour le podcast de l'analyse des geeks, là, les gens ont voté qu'il allait détruire effectivement ce téléphone-là. Moi, je demande à Frank de se retenir encore peut-être un peu, de l'essayer avec 4.2. On dit qu'il y a des améliorations drastiques au niveau des performances, ce qui serait assez intéressant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que contrairement à l'évolution d'un ordinateur qui, de génération en génération, va augmenter d'à peu près de 10 à 20 au niveau des performances, les smartphones font des bons assez extraordinaires. Donc, d'année en année, la performance du téléphone augmente de 50, ce qui fait qu'on est 100 plus rapide avec un iPhone 4 qu'on l'était avec un iPhone 3. Donc, c'est dur à ce moment-là de garder une unité puis de dire, tous les téléphones de la gamme vont être capables de garder... C'est tellement un marché compétitif, il y a tellement de compagnies qui offrent des modèles, tout ça, que c'est très, très, très rapide. Un iPhone, c'est aux ans. On a un modèle à chaque année. Les téléphones Android, c'est même plus rapide que ça parce qu'il y a plusieurs fabricants, puis ils se font tous la compétition. Donc, si ma puce peut être un petit peu plus rapide que la tienne, ça devient assez... étiolé, en fait, sur le spectre des possibilités d'achat. Là. On a beaucoup de bons téléphones, mais lequel est le bon, c'est toujours dur à trouver. On parle aussi d'amélioration pour mail. On parle... En fait, c'est la boîte de courriel unifiée. Donc, si vous avez plusieurs comptes, ils vont se retrouver dans la même boîte. Aussi, meilleures adaptations pour... Pour les entreprises, donc une meilleure intégration au niveau entreprise. C'est sûr que pour faire concurrence un peu au BlackBerry, qui c'est plus leur niche au niveau des entreprises, c'est sûr qu'une petite amélioration de temps en temps au niveau des infrastructures entreprises, c'est pas mauvais du tout à implanter pour garder quand même une certaine compétition avec les BlackBerry. En fait, les demandes d'iPhone dans les entreprises se font probablement... parce que le produit est glamour, parce que le produit est intéressant, se font probablement par les têtes dirigeantes des entreprises. Par contre, c'est assez un calvaire pour les gens qui sont au niveau sécurité, ouais. Parce que l'iPhone est un appareil pas mal moins sécuritaire que ce qu'un BlackBerry peut être. Ils sont dans le marché, comme tu l'as dit, Ariane, mais dans le marché du smartphone depuis de longues années. Leur niche, c'est l'entreprise. Ils savent comment ça marche. Et Apple essaye de les tasser de là. Ils réussissent à cause de l'attrait que leur produit a, mais au niveau sécurité, il va toujours avoir des choses à améliorer de ce côté-là. Autre point qui est fort intéressant que tu m'as parlé ce midi, que j'étais plus ou moins au courant, mais que tu m'as décrit assez bien, puis c'est vraiment très intéressant, c'est la plateforme, l'interface MIDI qui est implantée. Effectivement, d'après ce que j'ai lu, en fait, il y aurait un API qui serait disponible pour les développeurs au niveau MIDI. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on pourrait... Puisque Apple, quand ils ont sorti les téléphones, les iPads, ils ont dit, le connecteur qui est en dessous, on va permettre aux gens d'utiliser à partir de l'OS... 3.0, si je ne me trompe pas, on va permettre aux gens de développer des appareils qui vont pouvoir s'interfacer avec l'iPad. L'exemple qu'ils avaient donné, là, c'était un appareil qui prenait le sang d'une diabétique et qui envoyait le taux de sucre dans le sang à ses parents via email pour vérifier qu'il n'était pas en train de s'évanouir. Bon, mais il y a moyen d'interfacer, en fait, un paquet de choses et des interfaces MIDI. Donc, le iPad, sur lequel on peut faire apparaître n'importe quelle interface utilisateur, si on le connecte à un appareil comme un clavier ou un autre appareil MIDI, ben à ce moment-là, on va pouvoir l'utiliser comme ordinateur, créer des sons, tout ça. Puis on pourrait même penser à un appareil qui enregistrait des podcasts éventuellement ou des trucs comme ça. Donc, je pense que ce que j'ai lu, c'est qu'Apple serait en train de vérifier si on ne pourrait pas utiliser le connecteur caméra. Le connecteur caméra qui a une prise USB, donc qui rajoute une prise USB. Puis à ce moment-là, il y a un paquet d'appareils MIDI qu'on pourrait brancher au iPad, au iPhone et qui permettrait d'avoir une interface MIDI en tant que telle. Ah bien, fort intéressant. Mm-hmm. Bien, c'est pas mal tout ce qui clôt le OS 4.2.1. Oui, on a fait un bon tour. On a fait un bon tour. Mais de toute façon, comme on le disait, il y a des centaines de fonctionnalités nouvelles. À vous de regarder un petit peu de lecture un peu partout pour voir un peu l'ensemble des nouvelles fonctionnalités. Des fois, c'est mineur, des fois, c'est pas grand-chose, mais c'est quand même plusieurs nouvelles fonctionnalités qui sont à surveiller. On va passer maintenant à l'opération Beatles. Donc, une opération par surprise. Tout d'un coup, on reçoit un communiqué. On a un petit site web, une page intrigante qui dit « ça s'en vient demain, il y a quelque chose qui s'en vient ». Là, la machine à rumeurs est partie. On a entendu toutes sortes de choses. Finalement, on a accouché. C'est la venue des Beatles à l'intérieur du iTunes Store. Ça fait longtemps que Steve Jobs, qui est un grand fan des Beatles, voulait vendre le contenu des Beatles. Et une des plus dures, en fait, la personne qui voulait le moins que ça se produise, c'est probablement Yoko Ono, qui mm-hmm. garde très, très bien, ou en fait, avec une très forte férocité, l'héritage de John Lennon. Donc, c'est la première distribution digitale de l'œuvre des Beatles par téléchargement. Par contre, le site, et là, il faut suivre, le site de Apple, la compagnie de production des Beatles, offre depuis quand même un certain temps l'entièreté de la bibliothèque des Beatles sur une clé USB en forme de pomme, qui est vendue, si je ne me trompe pas, autour du même prix que ce qu'offre Apple avec le téléchargement de tous les albums studio des Beatles. Il fallait acheter la clé au complet. Tu ne pouvais pas acheter individuellement. C'est ça, effectivement. Les chansons. Donc, ça, c'est intéressant parce que pour la découverte, pour tous les gens qui... ma fille, entre autres, à qui je vais faire découvrir les Beatles, ben, je peux aller chercher les meilleures musiques ou ceux qui, moi, me touchent le plus parce que les Beatles, c'est quand même une musique qui a touché pas mal tout le monde à un moment donné dans leur vie. Là. Donc, Mais... Il y a eu quand même... les gens ont été comme un peu déçus de l'annonce. « Ah, les Beatles, so what? » Bien, Apple a fait... On a déjà tous les disques, les CD, on a déjà tout digitalisé. Pourquoi avoir mis les Beatles? Oui, on comprend de rajouter les Beatles, mais c'était ça l'annonce. C'est un peu comme ça que les gens ont réagi. C'est vrai, mais on parle d'un communiqué de presse, pas une annonce de Steve Jobs ou quoi que ce soit, qui a lieu lundi. Et... dans l'annonce, là, on regardait et il y avait 4 cadrans avec des villes et les aiguilles, en fait, donnaient l'heure à laquelle ça allait être annoncé. Donc, c'est ça qui a parti la machine à rumeurs. Mais les gens s'attendaient à d'autres choses, entre autres, le système de streaming d'Apple pour la musique, plein de trucs comme ça. On avait acheté le Lala. Oui. On pensait peut-être qu'il annoncerait un nouveau service de stream, de musique offerte en streaming, par exemple. Exactement. Donc, un abonnement au mois qui permettrait... Mais finalement, c'était Beatles. Mais quand même, on apprend cette semaine que c'est une opération qui a été fort lucrative. On parle de 2 millions de singles vendus jusqu'à maintenant. Là, on est aujourd'hui, là, à la date de l'enregistrement, on est le 25 mm-hmm. novembre. Et 2 millions de singles déjà vendus, 450 000 albums pour 10 millions de dollars en une semaine. C'est quand même... C'est quand même pas dédaignable. Ben, tu sais, si c'est une annonce que les gens n'ont pas été agréablement surpris, c'est pas de la bonne façon qu'ils montent, là, tu sais. Ça me fait penser au iPad. Au lancement du iPad, c'était assez partagé. Les gens étaient pas... C'était un gros iPod Touch. Moi, c'est quand ils ont annoncé le prix qu'ils m'ont eu au niveau du iPad. Les premiers modèles, j'ai fait... Ouais, on avait entendu 1000 $ puis là, ils sortent à 549 $. C'était vraiment là que c'était intéressant. Puis tous les autres concurrents qui disaient, ben non, ça ne marchera pas, une tablette, blablabla. Puis finalement, ben Apple a réussi à faire une tablette. Exactement. Puis ça fonctionne. Puis tout le monde en fait maintenant des tablettes. Et comme j'ai fait la petite blague sur Twitter, il y a tellement plein de monde qui fait des tablettes que même il y a... Sony, Samsung, Acer, tout le monde fait des tablettes. Il y a même IKEA qui annonce des nouvelles tablettes. Oui, des nouvelles, effectivement. D'accord. En fait, eux autres vont annoncer de la vente de musique en ligne. Ah, sûrement, peut-être qu'ils vont faire même des socles pour tablettes. L'histoire, en fait, de Apple Computer et de Apple, la compagnie de distribution d'édition de disques. Mm-hmm. L'étiquette de disques des Beatles date pas d'hier, en fait. Quand Apple s'est lancé en 1976, ils ont eu une poursuite à cause du nom. Ils ont réglé hors cours et cette poursuite-là, en fait, disait « Apple ne pourra jamais se lancer dans l'industrie musicale », ce qu'ils ont fait une vingtaine, 25 ans plus tard en lançant, en lançant le iTunes Store. Ils sont retournés devant les tribunaux et là, ils ont commencé à discuter. C'est pas la même chose, les gens peuvent pas se tromper, tout ça. Donc, on est un service de distribution. Vous êtes les Beatles, le groupe le plus connu au monde. Ça découle probablement de là l'attente, en fait, des Beatles sur le iTunes Store. Pour communiquer avec l'équipe des Mangeux de Mac, par courriel mangeuxdemac@gmail.com. Vous pouvez également participer à l'émission en enregistrant votre question sur notre boîte vocale. Composez dans la région de Montréal, le 450-800-0640 et dans la région de Québec, le 488-800-1966. On passe maintenant à l'autre sujet, le iLife 11, qui est sorti depuis combien de temps à peu près maintenant? Je dirais à peu près un mois et demi. Oui. Moi, je l'ai acheté. J'ai acheté la version upgrade parce que je te dirais que moi, ce qui m'intéressait beaucoup à l'intérieur du iLife 11, c'était les nouvelles fonctionnalités de iMovie. Mm-hmm. Parce que j'avais des projets de monter des vidéos. J'ai dit que ça tombe bien. Il y a une nouvelle mise à jour et on peut maintenant faire... jouer dans les tracks audio. Donc, il y a quand même pas mal de nouvelles fonctionnalités qui sont fort intéressantes, qui réconcilient les gens avec le iMovie parce qu'il y a eu des versions d'iMovie qui ont été assez critiquées. Les gens même retournaient des anciennes versions. Mais maintenant, un petit peu ce qui manquait, on le retrouve pas mal dans la nouvelle version d'iMovie. Effectivement. En fait, pour iMovie, iLife, en fait, c'est la suite de logiciels pour faire autre chose que de la bureautique. Exact. Qui est fournie par Apple dans tous les ordinateurs neufs de la gamme. C'est composé de 5 logiciels, soit iPhoto, iMovie, iDVD, GarageBand et iWeb. Et les améliorations, en fait, sont majoritairement sur iPhoto, iMovie et GarageBand. iDVD qui commence à perdre un peu de son lustre, ouais. Là, on s'entend. Commence à vieillir, là. Oui, exactement. Même pas de nouveaux thèmes. Moi, je m'attendais au moins d'offrir quelques nouveaux thèmes à l'intérieur, quelque chose. Il n'y a absolument rien. Ils n'ont pas le temps. Ils se sont occupés d'iOS. iWeb non plus. On dirait que... iWeb, il y a beaucoup de logiciels qui vont remplacer iWeb. Par exemple, qu'on pense à Sandvox, qu'on pense à Rapid Weaver, qui sont d'excellents logiciels pour faire des pages web à la volée. Très, très rapide, dans le style de iWeb. Donc, c'est vraiment des logiciels de base pour ceux qui prennent un ordinateur pour la première fois et qui voudraient faire un site web, qui voudraient faire un podcast, qui voudraient faire un peu de montage vidéo. Mais iMovie et iPhoto, qui sont les logiciels dans cette série-là les plus utilisés, se voient grillés, en fait, d'un module, si je ne me trompe pas, pour jouer avec le son. En fait, pour monter et descendre le son dans certaines passes du film que vous tournez. Des améliorations au niveau, par exemple, du classement, créer des albums, photos, etc. Ça, donc, dans iPhoto. Dans iPhoto. Ben, on a le mode plein écran, en fait. Là, ouais. Donc, pour les gens qui ont un iMac 27 pouces, ils peuvent utiliser maintenant toute la grandeur de leur écran. Il y a beaucoup de gens qui reprochaient à Apple que leur application, en fait, il n'y avait pas le petit bouton qui mettait plein écran. Mm-hmm. Là, ils en ont un pour iPhoto. On peut éditer là-dedans. Puis peut-être que dans un prochain épisode, je t'expliquerai, il y a une raison pourquoi les applications ne prennent pas toute la page chez Apple. Donc, il y a ça. Il y a les nouveaux thèmes aussi. Qu'est-ce qu'on a? Bien, au niveau d'iMovie, il y a les bandes-annonces. Ça, oui. C'est vraiment ce qui a vraiment attiré beaucoup l'attention au niveau de la nouvelle suite, de pouvoir créer à la volée vraiment rapidement. Ça se fait en dedans de 2, 3 minutes, 5 minutes. Quand on a déjà tout le matériel de prêt, on glisse nos petites vidéos. On construit une petite bande-annonce, puis bingo, c'est fait. C'est rapide. Je l'ai fait avec mon fils, mm-hmm. et ça donne une bande-annonce de film d'action où mon fils, en fait, va un peu partout dans le monde, puis c'était pour montrer les premiers pas qu'il faisait. Donc, j'avais des petites vidéos de lui, puis je découpais comme ça, puis là, ben, fallait qu'il se relève, et je mettais le texte en arrière là, qui donnait un peu d'intensité à tout ça, mais la bande-annonce, c'est-à-dire pas la bande-annonce, mais la trame sonore qui est enregistrée sur chacun de ces thèmes-là a été enregistrée avec un orchestre. C'est vraiment très bien fait. Ah oui, c'est super bien fait. Ça facilite, puis ça crée des bandes-annonces assez choc. Oui, mais la seule contrainte, par contre, c'est que si je voulais utiliser ma propre musique, ça, je peux pas le faire. Effectivement. C'est déjà tout, comme on dit en bon français, pré-canné. C'est déjà tout fait, tout englobé. Effectivement. Et quand la bande-annonce commence, un peu comme n'importe quelle bande-annonce, on a une planète, une montagne, un ci, un ça, et on ne peut pas utiliser les noms des vrais studios. Ouais. Dans la version planète. Oui, exactement. Si tu tapes Universal, il va te dire que ce n'est pas ça. Puis si tu tapes Warner Brothers, ça ne marchera pas. 20th Century Fox, ça ne marchera pas non plus, normalement. Je n'ai pas testé, par exemple, Universel. Si on mettait un E à la place du A, peut-être. On verra. Des fois, on s'en aperçoit même pas. Ouais. Mais peut-être que des fournisseurs, d'autres compagnies vont en produire des thèmes iMovie de bande-annonce qu'on va pouvoir acheter. Donc, à voir. Donc, c'est un coût de 49 $ et je l'ai vu annoncé dans certains magasins qui distribuent au niveau des universités. Je l'ai même vu à 39 $. Donc, un petit hint là-dessus, si vous voulez sauver 10 $. Regarder certaines boutiques universitaires. Bernard me regarde et il ne veut pas mentionner la boutique parce qu'il sait que je travaillais pour la boutique concurrente. On va quand même le dire, ils font un effort pour le vendre moins cher, donc 39 $ chez Microboutique. Ouais, je ne voulais pas faire de pub finalement, ouais. Mais je l'ai vu effectivement, 39 $ chez Microboutique. Surveillez ça, vous pouvez l'acheter directement, il n'y a pas de problème. Donc, une dernière chose aussi, en même temps que l'annonce de iLife, Apple a annoncé que d'ici la fin du mois de décembre, il y aurait le Mac App Store, c'est-à-dire une application qu'on télécharge pour son ordinateur. Et à ce moment-là, à l'intérieur de ça, on pourrait faire la consommation, c'est-à-dire l'achat de différents logiciels à la pièce ou en téléchargement, plutôt qu'avoir à se déplacer et aller chercher en fait dans un magasin où on a toujours des bons conseils, soit dit en passant, les logiciels. Et ce qu'on a vu, c'est que probablement il y aurait moyen d'acheter soit les logiciels iLife, soit les logiciels iWork à la pièce. Donc, pour une quinzaine de dollars, on pourrait acheter Page, Number, selon ce qu'on a de besoin. Là. Donc ça aussi, ça peut être intéressant. Peut-être attendre un petit peu pour ça. On passe maintenant à l'autre nouvelle qu'on voulait discuter, les rumeurs qui concernent la prochaine version de iPad. Oui, donc, écoutez, que Apple sorte un iPad 2, c'est pas une rumeur. C'est évident. C'est évident. Ça fait 3 ans qu'il y a un téléphone à chaque année. Ça fait 3 ans qu'il y a un iPod Touch à chaque année. Avec l'iPad, ils vont faire la même chose. Donc, année après année, ils vont sortir un nouvel appareil avec des nouvelles fonctionnalités. C'est à peu près évident qu'ils vont rajouter là-dedans une caméra en façade, mm-hmm. une caméra au dos de l'appareil pour pouvoir globaliser l'offre au niveau de FaceTime, qui est la vidéoconférence. C'est le seul appareil Apple qui ne l'a pas présentement. Effectivement, il est en bêta sur les Mac, Il est disponible sur le iPhone et il est disponible sur le iPod Touch depuis son annonce au mois de septembre. Ce qu'on peut s'attendre, en fait, et c'est une rumeur qui est tout le temps là, mais le protocole de communication soit GSM, mais aussi CDMA. Si on veut aller au niveau du CDMA et du GSM, donc une puce qui serait universelle à tous les types de réseaux cellulaires possibles, à ce moment-là, ce qu'on veut viser, c'est de ne plus être, d'être bloqué par des fournisseurs, donc d'offrir l'appareil à n'importe quel fournisseur cellulaire. Globalement, au niveau de la planète. Peut-être le vendre uniquement dans les Apple Store à ce moment-là, peut-être. Plus le revendre par les... De plus le barrer, de plus... Donc, à ce moment-là, on pourrait offrir le iPad 2 complètement débloqué parce que c'est quand même un appareil qui est très nomade aussi. Beaucoup de gens vont voyager avec leur iPad au lieu de traîner un ordinateur, par exemple, en vacances. Ils voudraient garder un petit appareil. L'iPad est parfait. Ça rentre assez bien dans un sac. C'est un appareil fait pour les touristes. On peut envoyer ses photos dedans, on peut aller chercher un paquet d'informations. Si on est avec le 3G, on est géolocalisé, fait qu'il nous dit exactement où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'il y a comme restaurant autour. Donc, c'est un appareil qui est parfait pour ça. Puis ça aurait de l'allure, en fait, de le débloquer pour la planète. Exact. C'est un appareil qu'on veut nomade. Donc, on pourrait acheter une puce, par exemple, d'un autre fournisseur cellulaire de l'endroit, du pays même, qu'on visite, puis au lieu de prendre notre puce de notre fournisseur ici... Puis de payer une fortune. Mais à ce moment-là, tu arrives sur place, tu achètes la puce du pays en question, tu la mets dedans et ça va fonctionner. Effectivement. Le seul moyen de faire ça aujourd'hui, c'est en jailbreakant l'appareil et ce qui vient au prix de certains autres problèmes, entre autres de la batterie qui va être utilisée plus vite, l'appareil qui va être un petit peu moins stable que si on laissait le plugin vanille. On parle de, évidemment, une nouvelle caméra, on l'a dit, un gyroscope. Gyroscope dans le iPhone 4 permet à l'appareil de savoir dans quel sens il est orienté. C'est un petit gadget que Apple aurait mis dans les appareils pour les jeux vidéo, surtout. Mm-hmm. Donc, avoir plus de précision. Là. C'est un peu ce qu'on retrouve dans une manette de Wii ou encore la Move de Sony. On parle que le choix de la puce serait le chip A9, ce qui est un petit peu étonnant parce que Apple, dans le iPad première génération, utilise un chip A8, mais qui a été un petit peu changé. Ils se sont achetés il y a quelques années une compagnie qui fait du design de puces. Mm-hmm. Et ils ont acheté cette compagnie-là. Qui ont un petit peu travaillé là, pour changer les caractéristiques de la puce du iPad. Donc, oui, ce serait une base de chip A9, mais probablement un petit peu modifiée pour améliorer les performances vidéo qui sont très, très bonnes, en fait, sur ces appareils-là. Puis rapidement, on peut dire... on est toujours dans le domaine des rumeurs. C'est pour ça qu'on y va quand même assez prudemment au niveau de toutes les fonctionnalités parce que c'est quand même pas confirmé par rapport. Non, du tout. Mais on parle d'un port mini USB, on parle de plus de mémoire. Je pense que bien souvent, ce qu'on lit dans les rumeurs, c'est ce que les gens aimeraient bien avoir dans l'appareil. Effectivement. Pour que ce soit l'appareil idéal, d'avoir la tablette idéale. Et on parle d'une annonce peut-être dans le prochain keynote en janvier, possiblement une sortie en avril, j'imagine, pour couper un peu l'herbe sous le pied des autres fournisseurs qui annoncent des tablettes qui sont encore inexistantes sur le marché, sauf peut-être une, la Galaxy, qui est là. C'est ça. Mais... On commence à en voir d'autres, puis des reviews qui sortent et des comparatifs entre le iPad et, par exemple, la Galaxy S. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que pour les appareils Apple, ceux qui sont le plus critiques de l'appareil, c'est Apple eux-mêmes. Oui. Et pendant l'année où est-ce qu'on n'en entend pas parler, ils sont en train de travailler sur un nouvel appareil. Donc, il ne faut pas comparer un Galaxy S sorti il y a un mois ou deux au iPad de première génération qui a déjà 6 mois, presque un an. Il faut le comparer au iPad 2 qui s'en vient, qui va être annoncé. De toute façon, même les comparaisons, les gens, soit des sites spécialisés ou des revues spécialisées qui ont fait des comparaisons entre iPad et Galaxy, ils disent généralement... C'est pas du tout la même affaire. C'est non. Pas le même produit. On parle d'un appareil de 7 pouces, un peu plus portatif, à mi-chemin entre la tablette et un appareil, un smartphone. Donc, on ne parle pas vraiment encore du même produit. On ne peut pas vraiment comparer, même si ça se rapproche. On n'est pas encore avec une vraie compétition de tablettes qu'on peut dire, oui, c'est la même grandeur, oui, on a à peu près les mêmes fonctionnalités. Maintenant, parlons de comparaison entre les deux. C'est pas encore là. Les Arcos aussi, c'est la même chose. C'est vraiment une comparaison d'un Galaxy avec un autre appareil. Je pense que Arcos ont plus de modèles qui se ressemblent à Galaxy que le iPad. Tout à fait. Et l'autre chose qu'il faut apporter, c'est que la plupart des tablettes qui ont été annoncées comme étant des compétiteurs, puis en fait, ils se gonflent la poitrine en disant un iPad killer quand ils annoncent une nouvelle tablette. Ouais, toujours. Pour l'instant, c'est du vaporware, comme tu me disais plus tôt. En fait, on les voit tomber un par derrière l'autre, que ce soit la tablette TechCrunch, qui est devenue la tablette Juju et qui finalement ne sera pas distribuée. Qu'on pense au produit québécois. Oui, qui est ExoPC, qui est fait à Rimouski, qui devait être justement un iPad killer, qui fonctionne sous Windows 7 avec leur propre couche logicielle par-dessus pour pouvoir faire du multi-touch. Le touch, finalement, qu'offrait pas Windows 7. Donc, finalement, on parle que c'est plus une orientation un peu plus entreprise, pas vraiment grand public, finalement. Donc, ce qui devait être une tablette qui était un iPad killer qui allait justement rentrer dans Windows, le PC, si tu veux, dans le monde des tablettes. Bien, finalement, il y a un glissement vers une autre offre qui serait plus ou moins grand public. Donc, c'est à voir. Elle n'est pas encore sortie en masse. Parce qu'on commence à avoir des modèles qui sont sortis, mais pas en grande masse. Là. On lui souhaite bonne chance. On veut que son produit apparaisse sur le marché. Il semble que l'interface en style de pastille qui est fait, c'est quelque chose de vraiment très, très, très intéressant à utiliser. Mais les critiques Engadget, il y a plein de sites qui ont commencé à faire une petite critique de l'appareil et ça a été mitigé. Donc, un produit qui n'était pas encore fini, pas encore prêt, en général, ce qu'on disait dans les critiques. Faut être solide pour aller contre Apple sur le marché. Je veux dire, c'est rendu une compagnie de mobile. Steve Jobs l'a dit. C'est le iPad, iPod, iPhone. C'est plus de... En fait, qu'est-ce que je disais? Le iPhone tout seul pourrait être une compagnie, une des 10 plus grosse compagnie ou 100 plus grosses compagnies au monde, si c'était le seul produit que Apple vendait, ce qui est quand même exceptionnel là, Tout à fait. En tant que tel. Donc, à surveiller pour le iPad 2. On va peut-être penser aux petites nouvelles en rafale. Il y a le jeu Civilization 5 qui est un des préférés des Apple gamers, là, on peut dire. Là. Si le jeu de tir à la première personne ou le RTS est l'apanage du PC... Civilization est habituellement très, très apprécié des gamers sur Mac. C'est maintenant disponible pour la version 5. Et bonne nouvelle, les gens qui sont sur Steam, qui avaient un numéro de licence PC, parce que ça arrive des fois qu'on est pressé, on va avoir la version PC. Apparemment que le numéro de série, le code, fonctionnerait avec la version Mac. Donc, on peut télécharger la version Mac et utiliser le code de PC. Excellent. Il y a le Sling Player que moi j'utilise. J'ai un Slingbox à la maison et je l'utilise sur mon iPhone. Et il y aurait une version iPad qui vient tout juste de sortir, mais il y a un gros, gros hic. Premièrement, c'est 30 $. C'est quand même pas donné comme application. En plus de ce qu'on doit dépenser pour le Slingbox, qui est 300, autour de 300 $. Mais c'est quand même un bel appareil, une bonne fonctionnalité. On peut écouter, finalement, le Slingbox, c'est quoi? C'est qu'on peut écouter notre télévision à distance, donc programmer nos programmes, écouter ce qu'on a déjà enregistré, écouter le TV live, et ça, peu importe où est-ce qu'on est sur la planète, pourvu qu'on ait une connexion haute vitesse Internet. Mais la version iPad qui est sortie, si vous avez déjà la version iPhone, faites attention parce que vous allez devoir racheter une autre licence si vous avez aussi un iPad, donc un autre 30 $ supplémentaire. C'est un petit peu plate comme façon de procéder, c'est-à-dire que juste parce qu'on a un écran un peu plus grand, avec un peu plus de qualité, Même pas, en fait, parce qu'on a la même densité de pixels dans les deux appareils en ce moment. Ouais. On est obligé de payer un prix premium. Je trouve ça un petit peu moyen. Là. J'aime mieux les applications universelles pour ma part. Ouais. Puis d'autant plus qu'il y a d'autres alternatives. Peut-être qu'on pourrait reparler dans une autre émission, ITV, etc. Exactement. Il y a d'autres alternatives. Ça serait peut-être justement un bon sujet à regarder dans un des prochains podcasts. On parle de grosses nouvelles. Apple qui achète le campus HP à Cupertino. Okay. C'est que HP avait un campus à Cupertino, tout près du siège social d'Apple. Ils ont décidé de concentrer. Les autres sont plus à Palo Alto. Donc, ils se concentrent à cet endroit-là. Et Apple a dit, ben, si vous en voulez plus de vos locaux, on va vous les acheter. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Donc, Apple, qui commençait à être un petit peu serré. Le bureau de Steve, qui était plus assez grand, je pense qu'ils vont mettre le bureau de Steve dans ces occupations-là. Tu me disais la grandeur en pieds carrés. Je crois que j'ai vu 400 000 pieds carrés. Si je ne m'abuse, c'est peut-être pas, même plus que ça. Et ça, c'est de mémoire. Donc, comme Apple grossit beaucoup, on engage du monde. Donc, il faut les héberger, ces gens-là. Donc, ils ont acheté finalement les locaux, le campus HP de Cupertino. Donc, ça devient le plus gros propriétaire foncier de Cupertino, qui sont très, très heureux de ça. Apple possède la moitié de la ville. Effectivement. Bien, ça fait pas mal le tour de ce qu'on avait à dire cette semaine dans l'émission. Oui. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition des Mangeux de Mac. Merci beaucoup, Alexis. Merci beaucoup, Bernard. Et on vous dit, tout le monde, à la prochaine.